Bonjour Mathieu et à lundi. Dès son premier long métrage, il est propulsé directement au rang de fils prodige du cinéma de genre français, tête de proue d'une nouvelle génération de réalisateurs qui signent un cinéma violent, radical et qui vont tous peu ou prou filer aux États-Unis pour faire carrière dans ce genre si difficile à développer en France. Derrière ce coup d'éclat apparaît film après film le visage d'un réalisateur cinéphile, passionné par les différentes expressions du genre et de l'imaginaire, jusqu'à signer l'an dernier un film de science-fiction high concept presque entièrement filmé dans un caisson de cryogénisation. Il est un inconditionnel du Festival du film fantastique de Gérardmer pour lequel il est cette année membre du jury. Alexandre Aja, cinéaste en tout genre, c'est le programme Vosgien qui est le nôtre pour l'heure qui vient en public du studio du Grand Hôtel de Gérardmer. Bienvenue à toutes et à tous dans la méthode scientifique. Merci au public nombreux et chaleureux qui est venu assister à cette émission. Et bonjour Alexandre Aja. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de passer une heure avec nous pour parler de votre cinéma, de vos influences, de votre carrière, de votre regard sur le cinéma de genre en France et à l'international, ce qui fait un programme copieux. Pour commencer, vous êtes quasiment un abonné à Gérardmer. Vous y êtes pas tous les ans, mais pas loin. Bah oui, en fait, chaque fois que je peux, je viens. C'est une opportunité à chaque fois de découvrir plein de films, de discuter cinéma. Alors quand on est jury, c'est encore mieux parce qu'on est vraiment là d'une manière studieuse à regarder tous les films, à en parler, à les voir différemment. En fait, c'est une autre découverte, une autre proposition de cinéma. Et puis c'est une ambiance. Je trouve qu'il y a quelque chose ici qui est assez particulier. Et c'est vrai, depuis 99, où j'ai présenté mon premier film avant Haute Tension, qui était Furia. Voilà, c'est Gérardmer. Évidemment, moi, j'ai grandi avec Avoriaz comme influence. Voilà, c'était le plus grand festival après Cannes. Et surtout pour le genre, c'était vraiment le festival fondateur. Et puis, Gérardmer derrière, donc avec la même énergie, et je suis content de revenir, voilà, à chaque fois que je peux. Vous dites à Gérardmer, il y a quelque chose propre au festival de genre, une ambiance unique, une curiosité plus axée sur le cinéma d'auteur ici. Il y a un respect du genre en comparaison avec d'autres manifestations. Ouais, il y a en effet, même dans le public, que les films soient plus ou moins réussis, on sent un amour, on sent une bienveillance. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de festivals de genre. Et des fois, c'est très violent. C'est moins dur ici. C'est quand même beaucoup plus... on essaie toujours de trouver ce qu'il y a de bien dans un film. Vous l'avez dit, hein, vous avez présenté Furia, votre court-métrage, en 99. Et puis depuis, plus rien, pas de prix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Alexandre Aja? Alors, je crois que s'il y a eu Maniac qui est revenu, mais il faudrait que je vérifie. Je suis de pas Franck sûr. Alfoun, que vous avez co-écrit que j'avais produit, mais non. Et en fait, c'est toujours le calendrier. C'est la plupart du temps, je me retrouve toujours en tournage l'été ou l'automne, et donc on n'est jamais prêt pour Gérardmer. Donc c'est à peu près c'est une sorte de petite malédiction. On reviendra d'ailleurs. J'ai des questions sur ce Maniac, cette adaptation du film de William Lustig, qui est à titre personnel l'un de mes films d'horreur favoris, certainement l'un des trucs les plus terrifiant de l'histoire du cinéma de genre. On va revenir donc tout au long de cette heure sur vos films, sur votre carrière. Et votre rapport au cinéma de genre, il est marqué par deux films très très jeunes, Indiana Jones et Shining. Exactement. C'est Alors Indiana Jones, c'est vraiment une scène sur laquelle je tombe par hasard. Je dois avoir, je sais pas, 3 ans ou 4 ans. C'est vraiment un... C'est très jeune. J'ouvre la porte et je vois ces officiers nazis fondre et leur visage se liquéfier. C'est vraiment une image qui est restée comme ça, gravée un peu dans ma mémoire d'enfant, comme une vraie première image d'horreur. Et pour d'autres raisons, j'ai loué par accident Shining au lieu de Superman 2. c'est pas tout à fait le même programme. Exactement. Et en fait, j'ai compris très vite que c'était pas le bon film, évidemment. Mais j'étais tellement tétanisé et paralysé de peur que j'ai pas pu franchir ces quelques mètres pour arrêter mon magnétoscope. Vous aviez quel âge pour Shining ? J'arrive pas à savoir, mais je pense que c'était entre 6 et 8 ans. Ah oui, donc c'est très très jeune quand ouais. même aussi. Ouais. Ouais. Vous pensez que ces images, elles vous ont marqué, elles ont marqué votre cinéma, elles habitent encore quelque part votre esprit de réalisateur ? Bien sûr, parce que ces images-là, elles sont, elles créent les cauchemars, et c'est les cauchemars qui vont influencer après. Bon, après, évidemment, ça ne s'arrête pas à ça. Hein. Ça va de la sorcière de Blanche-Neige à des trucs très classiques ou à la bibliothécaire de SOS Fantôme. Ah oui, voilà, le fantôme qui hurle au tout début oui, du premier. Chut, ouais. Le fameux... c'est toutes ces images-là qui vont nourrir une sorte d'imaginaire et finalement qui vont pousser à un moment donné à se dire... finalement, le meilleur moyen de se débarrasser de ces peurs qui empêchent de dormir, qui obsèdent un peu, c'est finalement de contaminer les autres et donc de commencer à raconter un peu des histoires d'horreur, de raconter un peu d'autres, voilà, de faire travailler son imagination. Et finalement, c'est ça qui conduit à faire des films qui font peur. Faire peur aux autres pour vaincre sa propre peur. Exactement. C'est un peu sadique, en fait. Oui, c'est très égoïste, en fait. C'est du voilà, sadisme. Je veux pas y aller tout seul. Tout le monde vient avec moi. Vous avez rencontré votre comparse Grégory Levasseur, qui est co-scénariste dès le collège. Donc, cette envie de raconter, de faire peur, elle vient vraiment très, très tôt chez vous. Ah oui, on s'est rencontré en sixième au lycée Montaigne, au collège, la partie collège. Et on s'est rencontré autour de Mad Movie ou de l'écran fantastique avec la couverture qui était Shocker, un film de Wes Craven. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et puis à partir de là, on s'est quasiment plus quittés parce qu'on travaille toujours ensemble et ça va faire très longtemps maintenant, plus de 30 ans. On reparlera de Wes Craven qui a effectivement aussi une importance particulière dans votre carrière. Au début, avant le cinéma, il y a des nouvelles. Je crois qu'il y a même une histoire de femme zombie cachée dans une cave. Oui, alors en effet, alors ça c'est bravo. On a avant de se lancer dans de l'écriture de scénario avec Greg, on a avec d'autres copains créé un journal de quartier, de lycée qui s'appelait Shazam, le journal des frappés de la plume, et qui était un journal de nouvelles. Donc c'était en 91, 92, je pense. Et parmi toutes les nouvelles qu'on a publiées dans ce journal, il y en avait quelques-unes qu'on avait écrites, dont évidemment « Zombie dans la cave »,« Un robot qui remplaçait une épouse », bref, plein de choses comme ça qui sont un petit peu aussi des idées. Ça participe à la construction. Quand on a commencé à écrire des scénarios, on en a écrit beaucoup avec Greg. Très mauvais, plein de choses évidemment. Mais d'autres très bons aussi par ailleurs. Oui, non, mais très mauvais. Je veux dire, toutes ces années de lycée, en fait, dès qu'on avait un moment libre, on se retrouvait, on écrivait, et on en a écrit, je sais pas, 6, 7, 8, je sais pas. Mais bon, c'était vraiment pour apprendre en fait. C'est vraiment ces années d'écriture-là qui nous ont poussé à développer et voilà, et à trouver un peu notre voie. Quand vous parlez de femmes zombies dans la cave ou d'épouses robotiques, ça fait penser un peu à ces séries à sketch, type les contes de la crypte, au-delà du réel, la quatrième ou la cinquième dimension. Ça fait partie aussi des choses bien que sûr. Vous regardiez. Évidemment, il y a dans la nouvelle ou dans les films justement à sketch, énormément de choses qui développent l'imagination. Et la quatrième dimension, c'est peut-être un des éléments qui nous a le plus influencé sur les histoires. Et même, ça n'aurait pas existé sans toutes ces nouvelles qui ont été vraiment la base des meilleurs épisodes. Donc il y a une sorte de cercle comme ça d'histoires qui font un petit peu rêver. Et encore une fois, ces histoires-là, c'est toujours les histoires qu'on se retrouve à raconter aux autres. C'est toujours un peu le même mécanisme. Je vais te raconter cette histoire parce qu'elle est bien construite, elle fait peur. C'est un peu les même Bellemare qui faisait un peu ça. Il y avait quelque chose. L'effet divers. Voilà. De Pierre Bellemare. Ouais, c'était. Ouais. Du côté littérature, Stephen King, grosse influence aussi. Un roman en particulier. Alors oui, ado, celui qui m'a le plus marqué, c'était peut-être Dead Zone. Bizarrement, ouais. C'est pas forcément le plus évident. Shining m'a Je me souviens de la première fois que j'ai essayé de le lire au collège, ça m'a fait trop peur, j'ai arrêté. Décidément. Voilà, donc c'était une manière pour moi de revenir à Shining, qui m'avait traumatisé avant, donc c'était Et pareil, mais c'est, oui, je dirais, c'est à peu près ça, le Marche ou crève aussi. Ouais. Alors Marche ou crève adolescent, bon, c'est vraiment, on est loin de l'horreur Stephen King. Mmh. C'est vraiment un autre style de, mais en tant qu'ado, c'est vraiment celui qui transcende le plus l'identité de ce qu'on vit quand on passe à travers ces années-là. D'autres lectures, d'autres auteurs en SF, par exemple. Alors, Stephen Wool, beaucoup. J'ai toujours eu une fascination pour New York. D'accord. Et puis, Kadic, évidemment. Ubi, qui était est vraiment un de mes livres préférés au lycée. Donc, C'est marrant parce que Stephen Wood, c'est un auteur français assez méconnu et assez injustement méconnu d'ailleurs, parce que c'est effectivement SF très, très singulière. Ouais, alors ça, je vais rendre. C'est vraiment ma mère qui était très fan de science-fiction et qui m'a fait découvrir Stephen Wood. Et après, je me suis rendu compte que finalement, alors j'ai un trou de mémoire sur le nom de ce film d'animation qui s'appelle. Qui est l'adaptation de L'Orphelin de un film je l'ai pas donc français qui... Oui, non, si, avec le petit barbu qui est né dans une. Avec Les Maîtres du Temps, ça s'appelle Les Maîtres du Temps. D'accord, tout à fait. Ouais, voilà. Les Maîtres du Temps. Par Moebius. Oui, c'est ça, qui est basé sur un bouquin de. Qui est basé sur un bouquin de Stephen Wool, en fait. D'accord, oui, tout à fait. Absolument. Et donc, il y avait toute une sorte de cercle, je me suis rendu compte que, il y avait un moyen en France de faire de la science-fiction, évidemment. À un très haut niveau aussi. La science-fiction en France est tout un débat. On en parlait d'ailleurs à ce festival il y a quelques années avec notamment Christophe Gans. Un film aussi, je continue à explorer avec vous vos influences. Un film très important, Alien, le premier, tous. Pourquoi Alien particulièrement ? Alien parce que, comment dire, justement de la science-fiction qui s'efface au profit du mythe, du Minotaure, du labyrinthe, la manière de d'écrire une histoire où finalement la technologie n'est pas le centre, mais juste un prétexte pour parler de l'humanité au plus profond et du mal et un film d'une perfection plastique absolue, la musique, le son, les acteurs, la lumière, un film qui vieillit pas, une sorte de chef-d'œuvre absolu, voilà, c'est quelques monuments avec Shining, avec d'autres qui sont des références qui encore aujourd'hui, c'est des films que je revois et avec toujours le même plaisir. À quel moment vous basculez justement dans la volonté de passer derrière la caméra, c'est-à-dire d'abandonner l'écrit au profit de l'image? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors vraiment, c'était, on écrivait des scénarios, on adorait ça, puis à un moment on s'est dit, il faut faire un court-métrage, il faut qu'on essaye de réaliser. Donc on a écrit un court-métrage qui s'appelait Over the Rainbow. Mm-hmm. Palme d'or du court-métrage tout de même en 87. Ah non, qui était pas Palme d'or. Non, j'aurais adoré avoir la Palme d'or. Mais non, on était juste en sélection officielle. Autant pour moi. Sélection officielle à Cannes, et c'est vrai que c'était inattendu. Et puis ce court-métrage nous a permis de faire un premier long-métrage qui était donc Furia, une adaptation de Julio Cortázar. Mm-hmm. Et ça a été vraiment pour te dire, voilà, le court-métrage, le chemin le plus court pour arriver au long. Et là, pour le coup, c'était le cas. On a fait un court-métrage et tout de suite, c'est parti. Au départ, j'avais pas forcément envie, parce que j'ai grandi évidemment sur les plateaux, père réalisateur. Vous êtes je rappelle pour ceux qui, deux auditrices ou deux auditeurs qui ne le sauraient pas, que vous êtes le fils d'Alexandre Arcadi. Vous avez beaucoup travaillé en seconde équipe sur certains de ces tournages. Voilà. Et donc, pour moi, c'était pas une évidence. J'avais vraiment envie d'écrire. C'était l'écriture avant tout. C'était pour moi ce qui m'intéressait le plus, et finalement, dès que j'ai découvert la mise en scène, c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde, et surtout un métier où on n'a jamais, jamais l'impression de travailler. Donc c'est assez agréable, c'est passionnant. Ça va faire maintenant quasiment 25 ans que je fais ça, et j'ai l'impression que c'était hier le début, et j'ai toujours autant le trac sur les plateaux, sur les projets à venir, toujours la même excitation, donc c'est assez fabuleux. Parlez-nous un peu de Over the Rainbow. Comment vous choisissez cette histoire? Pourquoi cette histoire pour commencer? Comment ça s'est passé, puisque vous aviez a priori un réservoir de scénarios? Justement, on est allé puiser dans ces petites nouvelles, ces idées de nouvelles qu'on avait sur le journal de nouvelles d'horreur et de science-fiction. Et on avait cette petite histoire de ce gardien d'immeuble un peu amoureux d'une des locataires qui finissait par la manger. Et donc C'est une sorte de conte de fées, une sorte de papier bonbon un peu brillant autour d'un bonbon bien pourri. Et donc c'était un petit peu ça l'idée. Et finalement, c'est celui qui se prêtait le plus à cette forme de film de moins de 10 minutes dans un seul décor, ou du moins dans cet immeuble, et avec une possibilité de trouver un style. Alors, il y a quelque chose qui est... Je pense qu'une des raisons pour lesquelles, avec Greg, on a toujours été attiré par l'écriture, et je pense que tout aurait changé à une autre génération, c'est que notre génération, on était la génération de la DV. C'est-à-dire, on avait des caméras DV qui étaient les pires caméras qui aient jamais existé en termes de qualité d'image, qui n'ont absolument rien à voir avec aucun film, aucune image cinématographique. Je pense que si on était né une ou deux générations avant avec le Super 8, on aurait fait de l'image tout de suite. Si on était né deux générations après avec le 5D, on aurait fait de l'image... Le 5D qui est un appareil photo Canon qui a changé haute résolution. Exactement, qui a amené une sorte de qualité, une qualité cinématographique au grand public. Et donc on est tombé dans cette partie-là, et dès qu'on essayait, parce qu'on a essayé évidemment de prendre la DV et de tourner des petits films, c'était tellement horrible, ça ne ressemblait jamais à du cinéma. Donc on a laissé tomber, parce qu'au moins, quand on écrivait, on pouvait imaginer des choses incroyables, et tout était possible. Pourtant, David Lynch fait Inland Empire en DV. Oui, alors, voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a évidemment, quand on a fait... certains des plus beaux films, les films les plus extraordinaires, et j'ai eu la chance de travailler avec Frédéric Helms, le chef-op de Lynch sur C'est l'heure et Lula ou Blue Velvet. Et quand on fait des films qui sont tellement beaux et avec le 35 mm le plus incroyable qui existe, évidemment, après, on peut se permettre, dans une recherche plastique, de partir sur de la DV. Il y a quelque chose d'intéressant dans la DV. Aujourd'hui, je regarde la DV avec presque une sorte de nostalgie. C'est-à-dire que si je trouvais le bon projet à faire en DV, peut-être. Mais à l'époque, ça nous paraissait tellement être une sorte d'arnaque, une sorte de... Mais non, ça ressemble pas à du cinéma. Et donc, bon, on arrive à Furia, votre premier. Alors, c'est un format un peu bâtard, parce que c'est un long, un moyen. Non, c'est un long métrage. C'est un long métrage. Ah, il fait combien? 1h30, ouais. 1h30, d'accord. Non, c'était vraiment un long métrage. Il a vraiment pas marché, mais c'était vraiment un long métrage. Et il a été présenté ici en 99. Voilà. On en écoute un extrait. Tu peux arrêter ton truc ou mettre de la musique. C'est un nouvel expo, ça. Ouais. Avec des photos comme ça, je veux faire une grande exposition au quartier général de la police. Il se passe des trucs bizarres en ce moment. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le paysage que j'ai dessiné au plafond chez moi. Celui que t'as photographié. J'ai vu le même tout à l'heure dans la rue. T'es pas le seul à dessiner. Avant-hier, j'ai vu un autre dessin, un petit garçon. Et alors? Et alors, c'était moi, le petit garçon. Arrête le jean, petit. Tu commences à devenir paranoïaque. Toi, faut arrêter d'être con. En tout cas, fais attention, ça commence à devenir dangereux de sortir la nuit. C'est pire de rester enfermé. J'ai pas peur. C'est eux qui ont peur de nous. Y a pas de honte à avoir peur. Voilà un petit extrait de Furia, passage au long métrage. C'est une toute autre expérience de passer du court au long, et c'est difficile de faire du long métrage de genre, on l'a beaucoup dit, surtout quand vous commencez en 99. Comment ça s'est passé, Furia? C'était trop rapide, j'aurais peut-être pas dû faire ce film-là aussi rapidement, aussi vite et aussi jeune. Même si je pense que chaque fois qu'on fait un film, un court-métrage, on écrit un livre, une nouvelle, une peinture, peu importe, c'est toujours une sorte d'instantané un peu de ce qu'on est à ce moment-là, pour le pire et pour le meilleur. Et je pense que Furia a toutes les qualités que j'avais à 19, 20 ans, mais aussi tous les défauts, la naïveté. Mais il y a quelque chose quand même dans ce film, et l'opportunité justement d'essayer de faire de la science-fiction et de se confronter à un cinéma français qui est pas du tout là-dedans, en fait, où le film a été beaucoup de temps à trouver un distributeur, très très mal sorti au milieu de l'été. Alors Voilà, vous aviez quel budget pour Furia ? 1,5 million. C'était, on était à 6 millions de francs à l'époque. Mmh. Voilà. Mais on a créé cet univers. C'était basé sur une nouvelle de Julio Cortázar qui s'appelait Graffiti, qui était justement sur une sorte d'état totalitaire dans un futur proche où on n'avait plus rien le droit de faire. Donc aller dessiner, faire des graffitis sur les murs la nuit, on risquait sa vie. Et donc c'est une histoire d'amour à travers des dessins entrecroisés en fait. Une autre adaptation de Cortázar qui est assez chère à mon cœur, Ennemi de Villeneuve, vous l'avez vu, vous en pensez quoi? J'adore. C'est incroyable. J'adore. C'est incroyable. Alors je suis obligé de préserver ceux qui n'ont pas vu le film et ne pas dire pourquoi j'adore aussi tellement ce film. Mais c'est la dernière. Honnêtement, c'est mon plus gros sursaut. Voilà, je dis pas pourquoi, mais j'ai fait un bond. Ouais. Et c'est rare parce que quand même, je connais un peu les ficelles maintenant et tout ça. Et je trouve le film assez fascinant, justement, fascinant par son obscurité. Après, c'est tellement un film à part aussi dans sa filmographie, ouais. C'est tellement une sorte d'exercice, on sent un besoin, on sent l'idée qu'il fallait qu'il avait besoin de faire ce film-là à côté de sa ligne principale. Et voilà, film sur le double, film sur sur ce qui, cette araignée qui nous ronge le cerveau, quoi. C'est assez facile. Là aussi, une maîtrise formelle incroyable, une photographie sublime. Ah ouais, non, c'est... Jake Gyllenhaal, incroyable. Ouais. Mélanie Laurent, Exactement, Mélanie Laurent. Avec qui vous avez tourné dans Oxygène. Et Sarah Gadon, avec qui j'ai fait La 9e ville, Louis Drax. Tout à fait, absolument. Oui, il ne manque plus que Jack. peut-être pour un prochain projet. Voilà. Effectivement, si Furia passe un peu inaperçu, ce n'est pas le cas de votre deuxième long métrage, Haute Tension, qui explose et qui va... initier presque un nouveau mouvement dans le cinéma français de genre, une nouvelle période. C'est quoi la racine? Parce que vous faites beaucoup d'adaptations, vous l'avez dit, Cortázar pour Furia. Haute Tension, c'est un scénario original. Oui, alors, et non en fait, pas du tout, parce que c'est vraiment un film hommage à tout un cinéma. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où on fait, Furia, on a déjà la trame d'Haute Tension. Mmh. Et c'est vraiment, c'était au choix. Et Haute Tension qu'on va faire quatre ans après, c'est vraiment, voilà, c'est, on veut redonner, on a une frustration de cinéma. Toutes les années 90 sont passées. Et le cinéma qui fait vraiment peur, qui est vraiment une expérience viscérale, n'est plus en salle. Tout notre plaisir de cinéphile, on le trouve dans la VHS ou dans le DVD à ce moment-là. Et on a envie comme ça de réinventer un peu le cinéma de Toby Hooper, le cinéma de Wes Craven, le cinéma de Lustig, évidemment, avec Maniac. Et on a envie de faire un film comme ça qui soit unité de temps, unité de presque de lieu dans cette nuit et une expérience. Et on n'a aucune idée si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Hein. Et on a eu beaucoup, beaucoup de mal à le monter aussi. Ça a été très difficile avec les chaînes de télé hertziennes, avec quelques semaines avant que ça commence, avant que EuropaCorp et Luc Besson rentrent dans l'aventure pour produire le film, on perd tout notre financement parce qu'une chaîne hertzienne ne veut plus faire de films d'horreur de cette violence-là, parce que, encore une fois, pas directement, parce que je dirais jamais que c'est de sa faute à lui, mais Wes Craven, parce que un adolescent poignarde sa petite amie avec le masque de Scream, et c'est un fait divers terrible en France, qui va amener une sorte de bon, c'est pas le moment de faire ce genre de film. Et comment, justement, alors, ce qui est assez sidérant, et pour l'avoir vécu, moi, je me suis pris aux tensions comme une claque énorme en salle, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce degré de violence. Comment est-ce que vous avez joué avec ce curseur-là? Parce que vous le poussez hyper loin. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous doutez, vous vous dites on peut pas aller aussi loin? Comment vous l'envisagez dès le départ? Comment ça s'est passé? Bah oui, dès le départ, c'était une expérience. Et l'expérience, pour que le spectateur soit dans le film, traverse le miroir, ne soit pas du tout spectateur, mais acteur de... J'étais convaincu que le curseur de ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas doit correspondre à ce que voit l'héroïne, c'est-à-dire Cécile de France, dans le film. Donc c'est à peu près ça qu'on a suivi pour les choses les plus terribles et les plus... Pour la scène d'ouverture et le massacre de la famille qui est invraisemblable. Voilà, et puis évidemment... tout le voilà tout le déroulement du film, mais c'est en même temps. Quand on le fait, on s'en rend pas vraiment compte non plus. Parce que oui, si on s'en rend compte. Je fais une moue dubitative. Voilà, on a Gianetto De Rossi qui est un grand artiste italien d'effets spéciaux, qui avait déjà fait ces choses-là. Et finalement, on est quand même, pour la première fois, on joue un petit peu avec tous ces outils du genre. Mais il y a quelque chose quand même qui on est tellement dans une référence, que ce soit évidemment La Dernière Maison sur la Gauche, ou bien on en a de parlé Wes Craven encore, de Wes Craven, ou bien Massacre à la tronçonneuse. Même si Massacre à la tronçonneuse n'est pas aussi violent que évidemment tout le monde pense se souvenir, il y a quand même une sorte de légitimité sur cette brutalité, sur le côté radical en fait d'y aller quoi. Ouais. Alors il faut puisque vous avez piloté donc le remake de Maniac de Lustig qui est réalisé par votre comparse Frank Calfoud, mais il faut qu'on parle, Alexandre Aja, tout de même, vous et moi, de cette scène des toilettes dans Haute Tension, parce que quand vous faites Maniac, vous avez déjà quasiment remaké. Et c'est pour ça que je veux pas réaliser Maniac. C'est vraiment pour cette raison-là quand Thomas Langman, le producteur de Maniac avec nous, qui a découvert Maniac en salle et qui est un fan absolu, m'approche très, très vite après Haute Tension pour qu'on parle. Il me dit, mais il faut refaire Maniac, il faut refaire Maniac. C'est lui qui va aller chercher William Lustig, c'est lui qui va aller récupérer les droits. Et Bill, donc Lustig, me dit, oui, moi j'aimerais bien, j'ai vu Haute Tension, j'ai vu La Colline à des yeux, je pense que c'est toi qui devrais le faire. Je lui dis, mais moi j'ai... Comment dire, je l'ai dit partout, Haute Tension est tellement un hommage à ce film. Joe Spinell, qui joue le rôle du tueur dans le Maniac original, et cette scène des toilettes qui est pour moi la recette de Haute Tension. Il faut préciser pour les auditrices et les auditeurs, ce qui est, je pense, l'une des scènes les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma de genre, la scène des toilettes de William Lustig, où une infirmière est poursuivie dans le métro et va se cacher dans la dernière cabine. Exactement. Et le tueur ouvre les portes une à une, sauf la dernière, et il se passe ce qui se passe à la fin. Voilà. Et vous refaites cette scène avec Cécile de France et Philippe Naon dans quasiment plan par plan. Plan par plan, et même beaucoup plus loin que ça, graffiti pour graffiti. Ouais. C'est-à-dire que sur la porte des toilettes, donc de la dernière cabine où se cache Cécile de France, on refait le graffiti de Margaret, qui est dans le graffiti involontaire de la porte de ces toilettes de métro dans laquelle William Lustig a tourné son film. Donc il y a en effet un hommage plus qu'assumé à cette scène-là. Donc évidemment, quand le remake arrive, j'ai l'impression de l'avoir fait. J'ai pas envie de refaire la même chose. Mmh. Et donc je me dis, je vais le produire. Et finalement, je me suis retrouvé avec Greg à écrire le script et aussi à être sur le tournage avec Franck. Donc c'est vraiment un film qu'on a fait tous ensemble, dont je suis très fier et qui nous a permis avec William Lustig d'aller le présenter à minuit en sélection officielle à Cannes, ce qui était exceptionnel. Surtout très émouvant parce que William Lustig, à l'époque, qui est quelqu'un qui a passé toute sa vie et toute sa carrière, les 30 ans de carrière préalable, à être dans le marché de Cannes, à vendre, n'avait jamais imaginé pouvoir un jour monter les marches. Donc il y avait un moment très émouvant en fait. Et sur Maniac, vous osez aussi un parti pris formel assez dingue, puisque vous choisissez de tourner à la première personne. Comment ça se passe ce choix-là, qui est aussi un vrai pari, hein, parce que... On voulait absolument trouver une raison pour ce nouveau Maniac d'exister, parce que comme on était fan absolu, quand on refait La Colline à des yeux, on aime beaucoup l'original, mais on n'en est pas fan. Le film a plein de défauts, même Wes Craven n'en était pas le plus fier. C'est pas, si on nous avait proposé de faire La Dernière Maison sur la Gauche, on l'aurait pas fait. Il y a des films comme ça qu'on a du mal à toucher, et Maniac, pour moi, c'était un film très difficile à toucher, et c'est au moment où on a trouvé cette idée de dire, bon, on va le refaire, mais on va aller dans un autre, on va respecter cette histoire, on va aller dans les mêmes endroits, mais on va prendre deux partis pris très différents. Un parti pris formel, on va être que dans le point de vue de Franck, le tueur, et on va être aussi, on va changer Joe Spinell, parce qu'on va pas essayer de trouver un double à Joe Spinell, donc on va aller avec... On peut pas plus opposer que Joe Spinell avec Elijah Wood. Qui est Frodo dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui a un physique d'innocence quasiment totale. Qui était beaucoup plus en fait du côté du collectionneur un autre film de serial killer, le côté beaucoup plus visage de cire, mais des grands yeux comme ça, qui sont vraiment une fenêtre sur une âme tourmentée. Donc c'était vachement... je suis très content du choix, et je pense que c'est aussi ça qui... Elijah Wood me racontait comment on lui a présenté le film. Il était en tournage et on lui dit, ouais, il y a Alex Aja qui veut produire un remake de Maniac. Donc lui, alors, Elijah, c'est vraiment un énorme fan du genre. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait à côté de sa carrière d'acteur, c'est de produire et de produire de très très bons films de genre. Donc c'est vraiment son truc. Ils veulent refaire Maniac. Alors ce sera point de vue du tueur. Ils veulent que tu joues Joe Spinell, mais on te verra pas parce que c'est que le point de vue. Donc, presque pas. Presque pas, parce qu'évidemment, on va évidemment s'amuser énormément à voir beaucoup de reflets et de miroirs. Et donc finalement, il existe vraiment dans le film. Donc, puis, c'est et ça puis des moments de climax où on sort de ce point de exactement. Vue. Exactement. Sont incroyables. Voilà, et des sorties de corps au moment où il tue. Voilà. Mais pour moi, c'était un vrai défi, ce film-là, parce que c'était la première fois où je me mettais pas du côté de la victime habituelle et je me mettais vraiment du côté du tueur, ce que j'avais pas vraiment voulu faire jusqu'alors, c'est pour justement éviter d'être gratuit trop dans la violence. Et là, finalement, on a choisi de se dire que quelque part cette victime, c'est aussi lui, et donc de partir sur ce point de vue. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous avons le plaisir de discuter tout au long de cette heure avec Alexandre Aja depuis le Festival du film fantastique de Gérardmer. Alexandre Aja, on continue une rencontre, vous l'avez évoqué, extrêmement importante, une rencontre cinématographique qui va se transformer en rencontre réelle. C'est au moment où vous partez aux États-Unis après avoir fait Haute Tension. Et cette rencontre, c'est le réalisateur de ceci. De Freddy te coupera un, deux, trois, quatre, monte chez toi, quatre à quatre, cinq, six, n'oublie pas ton crucifix, sept, huit, et surtout ne dors pas la nuit, neuf, dix, il est caché sous ton lit. Oui, maman? Ne t'endors pas dans la baignoire. C'est des coups à se noyer. Oh, j'ai pas 2 ans. Mais ça arrive tous les jours. Voilà, il faut pas s'endormir dans la baignoire, c'est un coup à se noyer, voire pire. Un mot sur Freddy. C'est le film absolu. C'est le chef-d'œuvre absolu de Wes Craven. Une invention à chaque plan, une invention à chaque scène, des décors construits sur mesure, du gore comme on n'en a jamais vu avant, et surtout, pour la première fois, un concept qui va vous suivre hors de la salle. Et pour moi, Freddy, c'est vraiment, en tout cas pour toute ma génération, qui avons été terrifiés. Voilà. On est de la même génération, je partage, mais on m'a raconté Freddy, ça m'a foutu la trouille avant de voir le bien film. Bien sûr. L'idée me faisait peur, à cause des affiches. Mais ça a traversé. J'ai un fils de 14 ans qui n'a pas vu Les Griffes de la Nuit, mais qui sait exactement qui est Freddy, qui sait exactement comment ça marche, comment il opère. C'est devenu une sorte de légende urbaine qui va circuler comme ça de génération en génération. Ça a traversé le cadre simple du cinéma pour devenir une référence quasi universelle dans la peur dans tous les pays. Et c'est absolument terrifiant, parce que cette peur de s'endormir, cette idée que quoi qu'il arrive, il va venir vous chercher, alors qu'en plus de ça, le film est très clair, hein, il veut se venger que des parents en fait de cette petite ville, mais pourtant tout le monde semble concerné. Donc c'est il y a évidemment une radicalité dans ce film là qui ne vieillit pas, qui est c'est un chef-d'œuvre, voilà. C'est le chef-d'œuvre du genre fantastique, en tout cas. Et comment vous rencontrez justement Wes Craven au moment du remake de La Colline des Yeux ? Comment ça se passe ? Ah, bah alors, Wes voit Haute Tension, une projection est organisée pour lui. Il aime beaucoup le film. Il décide de nous envoyer un scénario, on ne l'a pas rencontré encore, qui n'est pas le scénario de La Colline des Yeux, qui est un scénario d'un film surnaturel. Qu'on aime beaucoup. Et donc, le premier voyage qu'on fait après la projection de Haute Tension au Festival de Toronto, quand on va à Los Angeles pour la première fois, Wes Craven est notre deuxième rendez-vous après Stallone le matin. Juste petite parenthèse, mais qui n'a absolument rien à voir. Et donc, nous, évidemment, c'est le rendez-vous qu'on attend le plus. On va rencontrer Wes Craven. Le rendez-vous se passe très bien. On parle de ce film qu'il nous a proposé. Et à la fin du rendez-vous, tout bascule. Ce qui va nous dire, mais vous connaissez La Colline des Yeux, évidemment, et ça vous intéresserait de réfléchir à une manière de le réinventer. Et voilà, on est parti du rendez-vous, on a réfléchi, on a fait un brainstorming pendant 2-3 jours et on est revenu le voir sur son tournage et on lui a proposé notre approche d'un remake de La Colline des Yeux. Ça lui a beaucoup plu et c'est comme ça que ça a commencé. Mais alors, ce qui est amusant ou intéressant dans cette histoire, c'est que Wes Craven disait lui-même qu'il n'était pas tout à fait satisfait de sa version du film. C'est pour ça, entre autres, qu'il vous propose d'en reproposer une autre lecture. Vous en faites une lecture, vous ajoutez l'élément nucléaire et Craven n'est pas tout à fait d'accord en fait avec votre lecture et jusqu'au bout, jusqu'au montage, il va vous dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous avez fait. Alors, oui, ça va être compliqué. C'est-à-dire que oui, il adore l'idée du nucléaire développé, mais une fois qu'on va écrire le scénario, il va avoir un petit peu, il va être un peu inquiet qu'on ait été trop loin sur le commentaire sur la société américaine, sur le patriotisme américain, sur l'utilisation du drapeau, de l'hymne national qui est chanté par Big Brain sur sa chaise. Donc tous ces éléments là le choque un peu, c'est-à-dire qu'il est à un moment où il a tellement souffert aussi des effets secondaires de ses films depuis évidemment son premier Dernière Maison sur la Gauche, mais évidemment Scream qui a été extrêmement important d'un point de vue de faits divers et voilà. Donc il était un petit peu, voilà, il a mis du temps à comprendre un peu le film qu'on était en train de faire. C'est vrai que ça a mis du temps, et puis à un moment donné il y a eu une projection test avec beaucoup de public, et quand il a vu en fait à quel point les gens avaient peur, à quel point les gens aimaient le film, il y a un spectateur comme ça qui à la fin du film, au premier carton de générique, a hurlé Wes Craven is back. Et ce moment-là, ça a été un moment où il s'est retourné, il est venu me voir et il m'a dit, voilà, j'avais pas complètement compris et je le vois. Et après, voilà, c'est un film qu'il a vraiment aimé. Après, on est resté très proche jusqu'à sa disparition. Et ça a été un moment, mais il avait besoin. Et je pense que pour tout réalisateur, d'être producteur de son propre remake, c'est un exercice qui est quasi impossible. Parce qu'évidemment, ça remue plein de choses. Ça remue des regrets, ça remue des envies, un avis. C'était pas évident, quoi. Et comment on tient tête à Wes Craven quand on est un jeune réalisateur français qui arrive? C'est votre troisième long métrage, surtout le deuxième après Haute Tension qui a fonctionné. J'imagine que ça doit pas être simple quand on a Wes Craven sur son dos, sur le banc de montage, en train de dire non, tu me coupes ça, on enlève ça, je suis pas d'accord. Ça a été très difficile. Quand je regarde en arrière, je me dis, mais comment j'ai osé faire ça? Mais quelle arrogance, quelle jeunesse peut-être à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu deux moments comme ça. Un moment juste en préparation avant le tournage, où il nous a écrit une longue lettre de Los Angeles, où il nous a dit, bon, maintenant ça suffit, il faut changer le script. Et où je lui ai répondu, il fallait le faire quand même, je lui ai répondu, écoute, tu as raison, c'est le remake de ton film et je pense que tu devrais venir le réaliser toi. Et je n'ai plus entendu jusqu'à la fin du tournage, donc c'était culotté. Voilà, c'était culotté et c'était dangereux parce qu'évidemment il aurait pu très bien nous virer, nous remplacer. Et puis le deuxième moment, ça a été au moment du montage où il ne voulait pas aller en projection test parce qu'il pensait que le film était vraiment pas là. Et on a insisté, et on avait légalement le droit de faire cette projection test. Et donc on y a été, et c'était un peu notre dernière carte avant d'être viré pour de bon. Et puis finalement, ça a complètement changé la donne. Et parce que c'est lui qui avait le final cut. C'est lui qui avait le final cut, oui. La suite, c'est Mirrors, adapté d'un film coréen, je crois. Très lointain. Et puis Piranha 3D, qui est une sorte d'immense bac à sable avec beaucoup de budget. Comment est-ce qu'on se retrouve? Qu'est-ce que ça fait d'un seul coup d'avoir un terrain de jeu comme ça avec plein d'argent, des effets spéciaux délirants? Alors c'était vraiment un rêve. Ouais. Oui. Alors c'est en fait Piranha, c'est un script que je lis. Quasiment au moment de la cognée des yeux, presque avant. Et c'est un script avec Greg qu'on adore, mais immédiatement, c'est-à-dire qu'il y avait un côté potache de vraie comédie d'horreur à la Peter Jackson, sorte de Gremlins pour adultes. Jeu Dante. Voilà, complètement délirant. Et on rencontre les producteurs, et les producteurs nous disent « Oui, mais il faut tout réécrire, il faut enlever ça, il faut enlever la nudité, il faut enlever le gore, tout ça, c'est tout ce qui est comédie, c'est pas drôle. » Et on est « Ben non, c'est tout ce qu'on aime. » Le zizi coupé. Oui, exactement. Donc, il n'en est pas question. Donc finalement, l'aventure s'arrête pour nous. Et quelques années plus tard, les Weinstein qui ont récupéré le film nous disent « Ah, mais il paraît que vous êtes intéressés. » Donc on reprend le film. Et là, pour le coup, tous mes agents, managers... aux États-Unis, m'a dit non, mais après Mirrors, faut que tu restes dans du film de studio, il faut que tu continues à faire des films avec des acteurs, avec des stars, avec. Et voilà, je me suis dit, si je le fais pas avant mes 30 ans, Piranha, je le ferai jamais et je vais le regretter. Il y avait un côté, branded, le côté Peter Jackson première époque que je voulais pas rater. Et donc on a fait ce festival de gore et de centaines de milliers de litres, de gallons de sang déversés et voilà, et toute cette jeunesse américaine massacrée par ces piranhas préhistoriques. Le temps tourne, il faut avancer. On pourrait évoquer Horns, la suite où vous l'avez dit tout à l'heure, chercher le chef-op de David Lynch, puis Crawl, mais j'ai envie qu'on arrive à la science-fiction avec le film Oxygène. Vous retournez à nouveau en français, en France, avec Mélanie Laurent, ce film claustrophobe. Vous m'entendez ? Madame. Ok. Je suis enfermée. Allô, vous m'entendez là ? Allô ? Madame, j'ai du mal à vous entendre. Je suis dans un caisson cryogénique et bientôt j'aurai plus d'oxygène. Un caisson médical de cryogénique ? Oui, il est verrouillé, je peux plus sortir, vous devez m'aider. D'accord, vous êtes dans quel hôpital ? Je sais pas. Je me suis réveillée dans ce caisson. Je me souviens de rien. Il est verrouillé, je peux pas sortir. Vous m'entendez ? Je m'appelle Elisabeth Hansen, mais je crois qu'on m'appelle Liz. Bien. C'est très bien, ça va nous aider. Je suis le capitaine Moreau, du département sciences et technologies. Pouvez-vous reprendre? Allô? Vous pouvez m'entendre? Repartez pas. Non, je ne vais nulle part, je reste avec vous, promis. Vous en êtes où, côté oxygène? Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez trouvé? Liz, concentrez-vous, c'est important. Quel est votre niveau d'oxygène? Je suis à 31%. Bon, ça nous laisse combien de temps, ça? Combien de temps pour faire quoi? Écoutez-moi, j'ai besoin de savoir combien de temps ça nous laisse. Milo, combien de temps avant de manquer d'oxygène? Temps maximal estimé en contexte de consommation modérée, 72 minutes. Vu le niveau de consommation actuel, 43 minutes. 43 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Non, essayez de vous concentrer, s'il vous plaît. Vous me dites pas la vérité, là. Dites-moi. Vous savez où je suis et vous voulez pas me le dire, c'est ça? Non. On n'a pas réussi à vous localiser. Quoi ? D'après le fabricant, cette unité a été détruite il y a 3 ans. Alerte. Tension artérielle 21-13. Pour 140 BPM. Interruption. Voilà, Mélanie Laurent, enfermée, vivante, avec la voix glaciale de Mathieu Amalric, qui joue l'ordinateur Milo. Un mot sur l'envie de revenir tourner en France, peut-être, une opportunité pour Netflix. Ce scénario, il traînait, il faisait partie de la blacklist hollywoodienne, c'est un scénario qui était peu maudit. Alors non, la blacklist, c'est pas maudit, en fait, c'est vraiment une sélection des scripts, d'accord, des meilleurs scripts qui n'ont pas été produits. Okay. En fait, c'est vraiment, c'est bien d'être dans la blacklist. Et c'est un script qu'on me propose en tant que producteur, juste après Crawl. Et donc j'allais le produire. Il y avait une autre actrice qui était attachée, qui devait jouer le rôle. Le film était en anglais. Noumi Rapace, exactement, qui devait jouer le rôle. Le film était en anglais. Moi, je devais partir faire un autre film, qui était une adaptation de Junji Ito, de Tomie, pour Sony. Et le Covid arrive, tout s'arrête. Mon film américain s'arrête. Le film avec Noumi Rapace, le financement s'effondre. Je reviens à Paris, me confiner. Et là, tout d'un coup, on reçoit un coup de fil de Netflix France qui nous dit « Mais ça vous intéresserait pas de le faire en français ?» Et pour toi, Alex, de le faire. Et ça, on pourrait le faire très, très rapidement. Et j'ai trouvé que c'était finalement une très belle idée et une opportunité parce que, quelque part, ce script qui avait été écrit bien avant le Covid parle exactement de ce moment-là, parle d'une épidémie, parle de ce manque d'oxygène, de ce confinement, bref, de tout de là où va l'humanité en général. Et donc, j'ai travaillé sur l'adaptation en français de ce scénario en même temps que la préparation. Et entre la première et la deuxième vague, on s'est sorti de notre confinement pour aller le tourner à Ivry-sur-Seine, dans un studio, donc c'était assez incroyable. C'est votre première incursion dans la SF. Le genre, c'est pas facile à faire. Vous êtes parti le faire aux États-Unis. La SF, c'est peut-être encore plus difficile, paradoxalement, alors qu'elle est aujourd'hui quasiment partout. Hein, les gros blockbusters sont de la SF, mais la SF d'auteur, ça devient difficile. Alors, exception faite de Villeneuve qui arrive à sortir son épingle du jeu, la SF en France, c'est quasiment un terrain. C'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans cette adaptation française de Oxygène. C'était finalement en fait, tous les scripts qui vont sur la conquête spatiale, en général, partent d'une idée qu'il n'y a que les Américains qui vont dans l'espace, ou à part justement Solaris de Tarkovsky. Et je me suis dit, en fait, non, le programme l'ESA, le programme spatial européen, ça existe. On pourrait très bien envisager dans 20 à 30 ans, ce scénario-là, de la même manière. Donc, on pourrait faire une adaptation très réaliste. Et finalement, c'était une opportunité d'aller vers quelque chose de peut-être plus adulte, plus mature dans la réflexion et plus original. Donc, je pense que ça a servi le film, en fait, complètement, cette adaptation. Après, moi, mon rapport à la science-fiction, il a toujours été tout aussi important que l'horreur ou le surnaturel. Mais bizarrement, je n'avais pas l'impression que c'était mon premier film de science-fiction parce que j'avais passé quelques années à travailler sur l'adaptation de Cobra. Oui, dessin animé. Le manga et dessin animé japonais. Mmh. Et donc, on avait pendant pas mal de temps dessiné des vaisseaux, l'espace, réfléchi à de la science-fiction à grande échelle. Donc, j'avais l'impression d'être préparé à cette science-fiction qui est beaucoup plus intime. Hein. Évidemment, Oxygène, c'est pas du tout un space opéra. C'est vraiment un film beaucoup plus... c'est de la science-fiction plus intellectuelle et plus tendue parce qu'on est vraiment à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, de facto. Exactement. Mmh. Mais c'était cette ambition-là, en tout cas. Vous continuez à lire aujourd'hui de la SF? Vous lisez des auteurs contemporains, des classiques? Oui, mais alors je lis... En fait, la plus grosse source de SF que je lis, c'est tous ces scripts que je reçois. Mmh. Je travaille aussi aujourd'hui sur un projet pour la Paramount de SF, aussi dans l'espace. Qui est aussi un survival. J'ai travaillé avant sur d'autres scénarios, une adaptation justement d'un épisode de la quatrième dimension de science-fiction qui s'est pas fait. Mais c'est toujours, je trouve que l'ASF a toujours cette vertu d'amener une opportunité de réfléchir à notre situation. C'est toujours l'ASF sans sous-texte, elle a peu d'intérêt, et donc c'est toujours là où ça devient captivant, en fait. Le Cobra, c'est mort et enterré? Non, c'est jamais mort et enterré. Tant que c'est pas fait, c'est pas mort et enterré. Après, c'est compliqué, c'est des films très chers, on a vraiment essayé, on a vraiment été très très très très proche de commencer. Mais bon, peut-être un jour... Avec quel acteur pour jouer Cora? Vous pouvez dire ça? Non, je ne peux pas le dire. Il y a eu beaucoup de conversations avec plein d'acteurs différents, des acteurs très différents de ce qu'on imagine de Cobra. Et Cobra puis, qui est, pour, dont le modèle était Jean-Paul Belmondo. Exactement, qui était une sorte de Jean-Paul Belmondo blond. Mm. C'était ça ou les Gardiens de la Galaxie, en fait. Mm. On était avant les Gardiens de la Galaxie, et puis les Gardiens de la Galaxie nous ont un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Le film est génial, hein, donc j'ai rien à dire. Pour conclure cet entretien, Alexandre Aja, on va regarder un peu l'état du cinéma de genre en France, donc avec Pascal Laugier, Maurice Bustillot, Xavier Jeans, vous étiez la tête de proue de cette génération qu'on appelait les French Frayeurs, et puis ça s'est un peu tassé, hein, et aujourd'hui on voit à nouveau des réalisatrices, notamment Julia Ducournau, Coralie Farja, Juste Philippot avec La Nouée, on voit émerger un nouveau fantastique, un nouveau surnaturel français, qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez. Quel est le regard que vous portez là-dessus? Parce que vous avez eu des mots assez durs, hein, sur le cinéma de genre en France, en disant que c'était impossible, que c'était un cauchemar. Je pense que le cinéma de genre français est quasi mort, ou du moins agonise. Enfin, vous étiez un peu... Oui, mais c'était pas dur dans le jugement. J'étais du côté de ceux qui agonisent. Oui, bien sûr. C'est-à-dire vraiment, j'étais... Voilà, à chaque fois on me dit, mais pourquoi vous faites pas des films en France? Je dis, mais c'est impossible, on n'y arrive pas, on peut pas financer, on peut pas prévendre à des télés, il n'y a pas de partenaires, les budgets sont extrêmement réduits, et finalement derrière, ça a continué. Il y a toujours eu une envie en France, hein, je veux dire, de Méliès à Julia Ducournau, on est les inventeurs, et puis le futur. Mais il y a eu un tournant, en fait, je pense, à l'international, où finalement le cinéma de genre très horreur, très sanglant, très brutal, a fait place à un cinéma plus A24. Alors A24, c'est un distributeur américain très très pointu, très branché, qui fait vraiment tous les films d'Ari Aster, du cinéma d'horreur hérédité, auteur exactement. Voilà. Et donc ce cinéma d'auteur a pris pied en France, et c'est Pascal faisait déjà ça avec Martyr, c'est très, mais il y a quand même ça a dépassé le cadre de ce qu'on appelle le French Frayeur, pour devenir vraiment un cinéma d'auteur qui va utiliser toutes les ficelles du genre pour rendre le propos plus puissant. Et la Palme d'Or de Julia, c'est un miracle extraordinaire. C'est évidemment un pas vers, j'espère, beaucoup plus de chance, beaucoup plus d'opportunités. Et puis, plein d'autres choses qui se passent en parallèle. Évidemment, la série télé, mais aussi, quelque part, le fait que tous ces streamers aient réussi à casser un modèle qui était le modèle absolu de l'anglais comme langue internationale. Et maintenant, une série coréenne peut avoir le même succès partout à travers le monde sans que ce soit en anglais. Et en parallèle, Parasite a l'Oscar du meilleur film. Donc il y a vraiment un progrès vers la langue d'origine peut rester et peut marcher. Donc j'ai l'impression que ça va aider énormément le genre français. Et pourtant, il y a ce paradoxe aussi du côté du public, parce qu'on voit que le public est très friand des grosses superproductions d'horreur franchisées, et beaucoup moins client et beaucoup moins présent pour les films français ou les films plutôt catégorisés auteurs. Comment est-ce que... Ça reste le grand mystère, le grand regret, même si évidemment j'ai un début d'explication. Il y a une sorte de plafond en France, que ce soit Haute Tension, Frontière, Martyr, à l'intérieur, Titane ou Grave, sur un maximum comme ça de 200, 300 000 entrées, qui n'est jamais dépassé, alors que le moindre Paranormal Activity, le moindre Conjuring, le moindre film en anglais va faire... 5. Voilà, exactement. Donc le public est là, et le public, c'est pas parce que c'est en anglais, vu que les gens le regardent doublé en français. Donc c'est pas ça. Il y a un truc. Alors est-ce que c'est ce côté auteur? C'est toujours... Le cinéma de genre, il a toujours un sous-texte et aussi une part de divertissement. Et c'est, selon les auteurs, le curseur varie, en fait. Et les Américains en général, parce qu'ils travaillent pour des studios, pour des producteurs, donc la part de divertissement est toujours très forte, même si le sous-texte est là, même sur des films de Cronenberg ou tout ça, il y a toujours une grande part de divertissement. Et c'est vrai qu'en France, il y a peut-être une tendance à avoir plus de sous-texte, un peu moins de divertissement. Est-ce que ce serait ça qui ferait la différence? Mais j'en suis même pas sûr. Voilà, j'espère que ça va bouger, j'espère que ça va tomber, et j'espère que finalement des œuvres plus, comment dire, plus entre deux, je pense à Boîte Noire par exemple, qui est vraiment un thriller, qui n'est pas un film de genre, mais qui quand même... Avec Pierre Ninet, de voilà. Yann... Gozan, c'est ça. Et je trouve est un film assez, assez incroyable, qui va permettre... peut-être d'ouvrir justement ces passerelles et à décloisonner ce genre qui est en général le cousin mal aimé. Le cousin maudit. Le cousin maudit, oui. La suite pour vous, Alexandre Aja, j'ai lu Une maison hantée avec une nouvelle technologie de contrôle. Oui, alors c'est une technologie incroyable qui fait, en fait, c'est un petit peu les livres dont vous êtes le héros, mais au cinéma. Mmh. Donc c'est un film qu'on regarde et qu'on va choisir ce qui se passe. Alors ça existe déjà. Black Mirror a fait un épisode, Bandersnatch, qui est formidable avec cette technologie-là. Mais ça existe aussi pour la salle, où les gens peuvent décider en live, en réseau. Et c'est la majorité absolue des gens dans la salle qui vont décider où va le film. Et on tourne 4 ou 5 heures de film pour 1h30 d'expérience. D'accord. Qui change à chaque fois. Mmh. Et qui est donc plus on voit le film, plus on se rend compte de choses. Voilà, donc on a écrit ce projet-là, on l'a développé, c'était pour Amblin et Steven Spielberg. Mmh. Le Covid a tout ralenti, je ne sais pas encore, je ne sais pas quand ça va se faire, mais ça met du temps. Là, pour le coup, le Covid a vraiment bloqué sur ces nouvelles technologies. Et vous n'avez jamais eu envie, justement, de passer à la production, d'encourager, de financer, justement, des jeunes réalisatrices, des jeunes réalisateurs français de films de genre, d'être un peu chaperon? J'adore faire de la production parce que ça me permet d'être plus souvent sur des plateaux. Parce que quand on est réalisateur, malheureusement, c'est difficile de faire un film plus que tous les deux ans ou... dans le meilleur des cas tous les ans, donc le plateau ça nous manque, donc quand on produit on peut toujours être sur le plateau de quelqu'un d'autre, donc c'est toujours agréable. Oui, je produis, là j'en produis un autre, j'ai produit deux films avec Franck Calfoun qui était Deuxième Sous-sol et Maniac. Voilà, ça dépend des projets, ça dépend des opportunités, mais je continue toujours activement à chercher des nouveaux talents, des nouveaux projets où je peux aider, où je peux... voilà, avec mon petit savoir-faire, en tout cas, ou mon petit réseau, permettent à ces films d'exister. Merci beaucoup, Alexandre Aja. Merci d'avoir été avec nous au cours de cette heure. C'était passionnant de pouvoir discuter. Merci au festival et au public du Festival du Film Fantastique de Gérard May, qui continue encore jusqu'à la fin du week-end. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Emile Aguette Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Marianne Ibrahim, Amel Boucherka, François Richet à la réalisation et Nicolas Cruten à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.